Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Demain, samedi 21 décembre et dimanche 22, France 3 diffuse une fiction intitulée « Une femme dans la Révolution ». Franck Ferrand en profite pour nous parler des femmes au temps révolutionnaire. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Je suis ravi que France 3 consacre ces deux belles soirées, sur un week-end qui plus est, à l'histoire en général et à la Révolution en particulier. Alors nous aurons tout à l'heure au téléphone le producteur de cette mini-série, Jean Nainchric, et j'ai invité à nous rejoindre dans ce studio Guillaume Mazot, que l'on voit régulièrement dans l'ombre d'un doute. Nous évoquerons avec lui la place, le rôle des femmes dans cette époque et dans ces événements. Et pour nous mettre tout de suite dans l'ambiance, j'aimerais vous parler d'un personnage étonnant, Manon Roland. Et pour conclure l'émission, vous nous parlerez d'un autre personnage étonnant, le Père Noël. Oui, histoire de bien finir cette semaine consacrée au thème de Noël. Pour le moment, nous allons accompagner la belle Manon depuis les quais du Rhône jusqu'à l'échafaud. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. De plus difficile à évaluer quand on parle d'un personnage historique, c'est son charme personnel, c'est son degré de séduction en quelque sorte. On est obligé de s'en remettre aux témoignages d'époque qui sont par nature tout à fait aléatoires. Tout de même, si l'on vous dit qu'en apprenant la mort d'une femme et son mari et son ami de cœur se sont donné la mort, vous pouvez vous dire que la femme en question, en l'occurrence Manon Roland, devait être bien aimable, aimable au sens fort du mot, le sens qu'on utilisait au XVIIIe siècle, c'est-à-dire digne d'être aimée. Au physique, Manon était très séduisante, avec de longs, très longs cheveux bruns, des yeux vifs, grands, vous savez, le nez fripon, un visage qui respire la franchise, la décision, cette taille qu'on disait à l'époque bien prise, vous savez, et qui plus est assez cambrée, avec une gorge superbe. Disons qu'au physique, elle était magnifique, et qu'au moral, elle était irrésistible. Son parcours dans la vie est celui d'une âme vertueuse, éclairé, assez conforme, vous savez, à ce modèle antique, j'ai presque envie de dire à ce modèle cornélien qui est celui de l'époque néoclassique. Du reste, elle est née en même temps que le néoclassicisme, cette Jeanne-Marie, c'était son prénom, son vrai prénom, avant qu'elle ne prenne celui de Manon. Il faut dire qu'elle était d'une famille de 7 enfants dont 6 étaient morts en bas âge, vous imaginez. Jeanne-Marie Philippon, elle est née en 1754, on est en plein cœur du règne de Louis XV. Son père, Gratien Philippon, était un maître graveur. Alors comme ça, on a l'impression, on imagine le bon artisan, etc. Il faut savoir que cet homme était quand même d'abord un peu coureur de jupons, particulièrement joueur, qu'il avait également un certain goût pour la bouteille. Quant à la mère, et ça c'est important pour la formation politique en quelque sorte de Manon Roland, elle était la fille d'une femme de chambre et d'un cuisinier de la marquise de Créqui. Elle faisait partie, vous savez, de cette espèce de population assez intermédiaire qu'il y avait comme ça dans l'ancienne France, de ces domestiques qui étaient soit des enfants naturels, en tout cas qui se retrouvaient, on va dire, dans les marges d'une aristocratie qui, vous imaginez, on est en 1754, s'en donne à cœur joie. Ils vivent, les parents Philippon, quai des Morts Fondus, on appellerait ça le quai de l'Horloge aujourd'hui à Paris, au deuxième étage d'une des maisons de la place Dauphine qui n'avait pas tout à fait la forme actuelle, et Manon dira dans ses mémoires, une maison d'où l'on voyait du pont au change à Chaillot. On imagine ce que devait être cette atmosphère du Paris de Louis XV. C'est une enfant très précoce, particulièrement vive. Elle raconte toujours dans ses mémoires, c'est très utile qu'elle ait dans sa captivité écrit comme ça des mémoires qui nous permettent d'en savoir tellement long sur des parties relativement obscures de sa vie. « Je ne me suis jamais souvenu d'avoir appris à lire, dit-elle. J'ai ouï dire que c'était chose faite à 4 ans. » Autrement dit, à 4 ans, elle savait déjà lire, probablement un peu écrire. À 7 ans, on la voit aider le curé de sa paroisse pour faire le catéchisme aux enfants. Vous voyez, c'est ces espèces d'enfants dont on se demande s'ils ont jamais été enfants, du reste. Un frère de sa mère qui est vicaire lui apprend le latin. Et on sait que, parce que c'est elle aussi qui nous le dit, qu'elle se levait tôt le matin, dès 6 heures le matin, elle se lève. Et pendant que tout le monde dort encore dans la maisonnée, elle s'installe à la table de sa mère pour travailler ses leçons. Voyez le genre. À 11 ans, elle entre dans une congrégation religieuse au Faubourg Saint-Marcel. C'est pas une vocation, mais vous savez, à l'époque, ça faisait partie, c'était assez banal, finalement, ça arrivait souvent. Et pour elle, ça va être l'occasion d'essayer cet extraordinaire pouvoir de séduction que nous allons lui découvrir. D'abord sur une de ses amies, Sophie Canet, qui venait d'Amiens, et vous verrez que la ville d'Amiens joue un rôle important dans son destin. Et puis sur une religieuse qui est là et qui est sa principale enseignante, sœur Agathe. À 17 ans, on la voit, elle est quand même curieuse de tout. Hein. Elle apprend le chant, la guitare, la gravure, qui était très à la mode à l'époque, l'arithmétique. L'histoire aussi, bien entendu. Elle lit le Tasse, elle lit Fénelon, indifféremment. Lorsqu'elle lit Virgile, c'est en latin, vous l'aurez bien compris. Elle étudie toutes les théories, adore la philosophie, elle s'enivre de tous les systèmes. Et au-delà, bien entendu, de cet apprentissage théorique, livresque, elle a cette expérience extraordinaire. Lorsqu'elle a 16 ans, 16 ans et demi, elle va faire un stage, si j'ose dire, si j'ose employer cet anachronisme, à Versailles. Je vous ai dit qu'on est dans une famille qui fait partie de cette haute domesticité, si l'on peut dire. Et là, ça va être pour elle une révélation extraordinaire. Elle ne supporte pas ce qu'elle voit à la cour, ou en tout cas dans les marges de la cour, c'est-à-dire cette espèce de société de caste extrêmement dure, avec une inégalité sociale qui fait partie intrinsèque du système, bien entendu. On peut même dire que le système en question, il est fondé sur cette inégalité, par définition. Donc pour elle, elle prend là conscience d'un certain nombre de grandes questions sociales, qu'on pourrait même dire politiques. Et bien entendu, ce ne sont pas ses lectures. Elle lit Plutarque depuis toujours, mais elle va se mettre à lire Jean-Jacques Rousseau. C'est à la mort de sa mère qu'elle s'est mise à lire La Nouvelle Héloïse. Ça l'a complètement aidée à supporter un deuil très dur pour elle, et elle va trouver chez Rousseau, alors là, véritablement un modèle. « Je l'ai lu sur le tard, dit-elle, et bien m'a fait, il m'eût rendu folle, je n'aurais voulu lire que lui. » C'est vrai que Rousseau va devenir en quelque sorte un peu son maître à penser. Elle a comme modèle, on peut dire, Le Ménage de Julie. Vous savez, on est dans La Nouvelle Héloïse. Et à propos de ménage, eh bien, il est temps de la marier quand même, cette Manon. Alors, elle a pas mal de soupirants, bien entendu. Elle est assez sensible d'ailleurs aux hommages qui commencent. Mais assez étonnamment, elle va s'attacher à quelqu'un qui n'est pas du tout de son âge, qui n'est pas du tout de son milieu. Bref, elle va presque faire ce qu'on pourrait appeler un mariage impossible. Franck Ferrand, 14h-15h. Sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Manon Roland et à son mariage impossible. Et oui, vous savez, Manon avait rencontré, donc, dans son couvent, là où elle a été élevée, elle avait rencontré ses deux sœurs qui étaient amiénoises, Sophie et Henriette Canet. Et Sophie est devenue madame de Gomicourt. Elle a fait, elle, un assez beau mariage. Et il se trouve qu'elle connaît assez bien un homme très intelligent, très brillant, qui se trouve être inspecteur des manufactures à Amiens. Donc, un haut fonctionnaire, si vous voulez, pour simplifier, qui s'appelle Jean-Marie Roland de la Platière, et lorsqu'il doit faire un voyage à Paris, elle l'adresse, elle le recommande à son ami, et c'est comme ça que Manon va rencontrer celui qui sera le futur ministre Roland, hein, Roland de la Platière. Alors c'est un homme, vous imaginez, un bonhomme grand, sec, assez sombre, grave, toujours, hein. Il a 20 ans de plus qu'elle, il est d'une très vieille famille, alors lui, tout à fait, et il va tout de suite tomber amoureux. Alors, je ne sais pas si c'est des grands yeux ou de l'espèce d'ascendant psychologique de Manon, mais en tout cas, il est très vite amoureux, mais il va mettre près de 3 ans à la conquérir. Et lorsqu'elle accepte de l'épouser, donc malgré cette très grande différence d'âge, elle a l'impression, dira-t-elle plus tard, d'épouser son père, mais alors, précise-t-elle, un père qu'elle vénérait. C'est une épouse modèle. Je vous dis, Madame Roland est aimable. Ils vont passer un an à Paris, ils vont s'installer ensuite à Amiens, où donc lui travaille, et comme elle s'ennuie quand même passablement à Amiens, elle va décrocher pour son mari un poste d'inspecteur toujours des manufactures, mais cette fois à Lyon. Et les voilà partis en 1784 à Lyon. Il est très exactement inspecteur général des manufactures de la Généralité de Lyon, ce Roland. Et là, à Lyon, alors, elle est vraiment heureuse. On peut dire qu'il mène, vous savez, la vie de cette bourgeoisie éclairée de l'époque. Elle va accoucher d'ailleurs d'une petite fille qui s'appelle Eudora et qui, entre nous soit dit, sera élevée beaucoup plus tard par un soupirant de Madame Roland et épousera un autre soupirant. Que voulez-vous ? Elle est aimable. incroyable cette Manon. Ils vivent à Villefranche-sur-Saône dans un premier temps et ensuite vont aller s'installer ils vont vivre, si je peux dire, dans les deux villes. Ils s'installent à Lyon et elle est passionnée par la politique. Ça, c'est assez extraordinaire. Elle rend compte pour un journal lyonnais de tous les événements locaux et notamment de ces frémissements de la Révolution qui, vous savez, dans le sud-est de la France, ont été très importants. Elle assiste à la fête de la Fédération, enfin, la fête de la Fédération de Lyon, dont elle rend compte d'ailleurs de cet événement. Tout ça est pour elle une matière d'exaltation. Elle a épousé depuis longtemps, et peut-être grâce à Rousseau et grâce aux anciens, elle a épousé les idées humanistes et les idées des Lumières. Le 20 février 1791, la voilà de retour à Paris. Que voulez-vous ? C'est encore elle qui a convaincu, décidément, on a l'impression qu'elle le mène par le bout du nez, ce pauvre Roland, elle a convaincu son mari de se charger d'une mission pour demander une aide de la capitale à la ville de Lyon, une aide financière. Et c'est pour ça qu'ils vont s'installer dans un appartement à l'hôtel Britannique, rue Guénégaud, une chambre à deux lits, je précise, un petit cabinet, on va dire, pour la bonne, un grand cabinet qui sert de bureau et un peu de salon, une antichambre qui permet de recevoir facilement. Elle va très vite, parce que on est février 91, vous voyez, les séances de l'Assemblée sont très passionnantes et elle assiste à ces séances. Le problème, c'est que son statut lui permet d'accéder aux coulisses, si je puis dire, et que ce qu'elle voit, ce qu'elle constate ne lui plaît pas du tout. Elle se montre d'une grande dureté envers le personnel politique de l'époque. C'est Michelet qui dira « Rien de plus sévère que le premier regard de Madame Roland sur Paris ». Et c'est vrai que le moins qu'on puisse dire et qu'elle n'est pas tendre. On est au moment où grandit le parti des députés de la Gironde, vous savez, le parti girondin. Et c'est chez les Roland, on peut dire, que ces Girondins vont trouver une sorte de point d'ancrage. Manon Roland est en train de pousser autant qu'elle peut son mari vers la politique et son salon devient un véritable foyer de discussions politiques et philosophiques. Roland s'est lié avec Brissot, avec Petion, avec Buzot. Buzot, c'est un peu particulier. Il a quelques années de moins que Manon et d'emblée, elle tombe amoureuse de lui. On a envie de dire enfin, parce que jusqu'ici, c'était un peu l'inverse qui se passait. Lors des rendez-vous, elle boit littéralement ses paroles. Elle n'intervient pas, hein, il faut dire, et c'est une ouverture vers notre débat de tout à l'heure, parce que, en vérité, pendant très longtemps, Manon Roland, qui évidemment a une très grande influence sur son mari, n'en reste pas moins tout à fait en retrait. Elle n'intervient pas dans les débats. Elle reste tout à fait en marge et elle dira qu'elle se mord souvent la langue pour ne pas dire ce qu'elle pense, mais elle écoute, et elle écoute surtout, je vous dis, ce fameux Buzot. Alors, depuis quand sait-on que Manon Roland était amoureuse de Buzot? Mais seulement depuis le Second Empire, parce qu'il a fallu attendre 1863 pour qu'on découvre, c'est un bibliophile, je ne veux pas entrer dans cette histoire, mais elle est passionnante, qui va découvrir chez un libraire une liasse de vieux papiers, et dans ces vieux papiers, il y a des lettres de Manon Roland adressées à Buzot, et je vous livre seulement un extrait d'une de ces lettres. En me trouvant seul, c'est avec toi que je demeure, écrit-il dans sa prison. Ainsi, par ma captivité, je me sacrifie à mon époux, mais je me conserve mon ami, et je dois à mes bourreaux de concilier le devoir et l'amour. Alors, je ne me plains pas. C'est une belle déclaration d'amour. Je vous le dis, Manon est très aimable. Un extrait du paquet dansé des sans-culottes sur Europe 1. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Manon Roland. Alors cette Manon Roland, vous avez compris, est un véritable... C'est une femme de relations publiques d'une certaine manière. Et ce travail-là n'est pas sans porter ses fruits, puisque le 23 mars 1792, son mari, Roland, devient donc ministre de l'Intérieur. Le couple s'installe à l'ancien hôtel de Calonne, rue Neuve des Petits Champs. Ça devient tout de suite... c'est un changement de standing phénoménal. Pas à tous les niveaux, hein, puisque on se rappelle l'anecdote de Roland se présentant pour la première fois à la cour devant Louis XVI sans chaussures à boucles, ce qui avait fait un vrai scandale. Vous imaginez, on n'allait pas aux Tuileries sans chaussures à boules. Bref. En attendant, Madame Roland est là dans l'ombre. Et c'est elle qui rédige, dit-on, les circulaires. Et c'est notamment elle qui va dicter cette fameuse lettre du 10 juin au roi, vous savez, pour demander à Louis XVI de lever son veto. Lettre où le ministre officiellement reproche au roi Louis XVI de s'entourer d'ennemis de la Révolution, de ne pas tenir ses promesses, etc. C'est très bien écrit, c'est brillant, c'est passionné, mais c'est carrément blessant. Et le résultat, évidemment, est immédiat. Louis XVI renvoie le ministre au bout de 4 mois. Il n'aura fait qu'un court, un bref passage. Sauf que, un peu plus tard, le 10 août 1792, c'est-à-dire au moment même où s'écroule la monarchie, hein, on est au moment du sac des Tuileries, Roland est nommé le jour même, pour la deuxième fois, ministre. Et alors là, bien entendu, ça va être un ministère, on va dire, plus efficace et plus utile de sa part. 2 fois par semaine, Madame Roland en profite pour donner de grands dîners. On se met à table tôt à 5h, et puis ensuite on va bavarder au salon. Et là, dans le salon, vous avez tout le monde. Danton, Louvet, Barbaroux, Buzot, bien entendu, qui est là. Et chacun peut ensuite retrouver ses affaires à 9h et travailler jusque souvent tard dans la nuit. Survient très rapidement l'épisode des massacres de septembre, sur lequel je vais revenir dans un instant. Nous allons parler de ça avec Guillaume Mazot. Ce qu'il faut savoir, c'est que les attaques se font de plus en plus vives contre Roland et que Madame Roland a de plus en plus de matière d'en vouloir, de raison d'en vouloir à Danton. Il faut vous dire que Roland est vraiment caricaturé. Il n'est pas très aimé par l'Assemblée. On le surnomme Coco Roland. Vous savez, elle, on dit qu'elle est la reine Coco. Du coup, c'est son surnom. Madame Roland intervient non seulement à travers son mari, mais aussi et toujours à travers Buzot, ce qui a le don d'exaspérer Danton. Nous avons besoin de ministres qui ne voient pas par d'autres yeux, qui voient par d'autres yeux que ceux de leurs femmes, clame Danton à la tribune de l'Assemblée, ce qui évidemment a le don de rendre folle Madame Roland. Les menaces se font de plus en plus sérieuses. Marat va réclamer la tête de Roland au début de 1793. Pour autant, on ne les voit pas fuir. Le 31 mai 1793, Roland est décrété d'arrestation. C'est la chute, c'est le triomphe de la montagne, hein, c'est la chute de la Gironde. Et il va réussir, lui néanmoins, à s'échapper. Mais elle ne bouge pas de chez elle, où on va venir littéralement l'accueillir. Et dès qu'elle sort, il y a des femmes qui sont là devant chez elle, enfin devant le ministère, et qui crient « à la guillotine ». Le commissaire qui l'emmène lui propose de lever les portières, hein, c'est-à-dire de relever, si vous voulez, les rideaux du carrosse, de la voiture, et elle dit non, je ne crains les regards de personne et je ne veux me soustraire à ceux de qui que ce soit. Elle sera enfermée à la prison de l'abbaye. Assez vite, on la remet en liberté. Elle se croit sauve, pas du tout. Une demi-heure après, on la rattrape, si je puis dire. Elle sera enfermée à Sainte-Pélagie. Alors, c'est une vie assez étrange. Vous savez, c'est la vie de tous ces prisonniers de la terreur, en fait. Elle va écrire à Sainte-Pélagie beaucoup. C'est là qu'elle va rédiger ses fameux mémoires. C'est là qu'elle va prendre un certain recul et se préparer à la mort parce qu'elle sait très bien ce qu'il l'attend. Les Girondins sont décrétés d'arrestation en octobre 93. Hein, on est au moment du procès de Marie-Antoinette. Son procès à elle commence 15 jours après la mort de la reine. Il va durer 8 jours et elle a comparu le 8 novembre 93 et elle est exécutée le soir même. Et on connaît évidemment la très célèbre phrase qu'elle aurait prononcée en passant devant la statue de la liberté alors qu'elle allait à l'échafaud. Liberté que de crimes on commet en ton nom. Bonjour Guillaume Mazot. Alors dans quelques instants, nous allons revenir avec vous sur la vie de Manon Roland, sur quelques épisodes que j'ai évoqués, et puis surtout nous poser la question du rôle et du statut des femmes à l'époque de la Révolution et dans les événements eux-mêmes. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire des femmes et de la Révolution cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Guillaume Mazot, maître de conférence à l'Institut d'Histoire de la Révolution Française, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Bonjour Guillaume Mazot, je vous ai dit bonjour tout à l'heure, mais je n'avais pas le temps tellement d'aller plus loin. Je viens de raconter vraiment à grands traits, j'en suis conscient, le parcours de Manon Roland, personnage qui est une amoureuse, on va dire, des idées, des idéaux de la Révolution. Au départ, elle est totalement, j'ai pas eu le temps de trop développer ça, mais elle est totalement partisan de tout ce qu'on peut faire de beau et de grand en matière d'avancée politique et sociale. Hein. Elle est Oui, c'est vrai que ce personnage, il est assez fascinant parce que elle a été une sorte de passeur vraiment dans la Révolution. C'est-à-dire qu'elle a utilisé son rôle de femme un peu traditionnelle qu'elle envisageait de manière assez traditionnelle, comme vous l'avez comme vous l'avez dit, c'est-à-dire elle se mettait derrière son mari, etc. Mais elle l'a utilisé pour inviter donc des gens, des hommes politiques, pour tisser un réseau à la fois familial, amical, etc. autour des Girondins et dans la tradition salonnière des salons du 18e siècle. Oui, c'est ça. On peut dire que c'est le dernier salon du 18e siècle, en quelque sorte. Bon, il y en aura après, quand même. Oui, sous le directoire, bien sûr. Et puis, d'un autre côté, elle a eu des... son action, ça a été aussi celle d'une femme indépendante, d'une femme forte, parce qu'elle a assumé ce rôle politique-là, très très fortement. Et elle a pris parti contre Danton, et ensuite, elle est devenue la cible de Robespierre. Alors, ça fait beaucoup pour une seule femme, si je puis dire. Oui, alors c'était souvent le rôle des femmes, sous la Révolution, dont on attaquait l'Empire. C'est-à-dire, on disait toujours que c'était la femme de l'ombre, la femme des hommes de pouvoir était censée avoir beaucoup d'influence sur ces hommes de pouvoir. On se concentrait beaucoup sur les femmes, et Marie-Antoinette en avait fait d'ailleurs les frais dès avant la Révolution. Alors ce que j'aimerais, c'est qu'on parle bien sûr des femmes anonymes et de la place et du rôle des femmes dans tout le processus révolutionnaire. C'est un peu ambitieux, bien entendu, mais enfin qu'on en dise quelques mots. Avant cela, évoquons quelques grandes figures. Bon, Manon Roland, c'est peut-être la figure la plus classique, d'une certaine manière. Il y en a de beaucoup plus décoiffantes, si je puis dire. On avait parlé de Thérouanne de Méricourt il y a quelque temps à ce micro. Ah oui, Thérouanne de Méricourt, elle est vraiment intéressante parce que elle montre à quel point il y a des femmes de toute l'Europe qui convergent en France pendant la Révolution. Elle vient des ce qu'on appelait les Pays-Bas autrichiens, c'est la Belgique aujourd'hui, ça appartenait à l'Empire d'Autriche. Et dès 89, elle va à Versailles pour suivre les États généraux. Donc ça montre bien que pendant la Révolution, il y a toute une série de gens dans l'Europe et de femmes attirées par l'événement. Qui sont attirées, qui se frottent de politique, elles fondent un club politique, c'est-à-dire une sorte de parti, l'ancêtre des partis, et elle prend activement elle participe activement à la Révolution. Avec une apparence extraordinaire, son grand chapeau rouge, son panache noir, enfin, tout alors, ça, évidemment. Voilà, c'est vraiment très très important, c'est-à-dire qu'elle était habillée comme on appelait en Amazone. C'est-à-dire qu'elle affichait une sorte de volonté de s'habiller comme les hommes. D'ailleurs, l'intervention des femmes dans la Révolution, ça a été vu comme une menace par les hommes. C'est-à-dire des femmes qui osent s'habiller comme eux et qui remettent en cause, en fait, les frontières habituelles entre les femmes et les hommes. Donc, le discours contre les femmes pendant la Révolution est vraiment lié à une sorte de séisme qui se fait à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait des hommes? Qu'est-ce qu'on fait des femmes? La question du genre est devenue une question actuellement très très importante, mais elle l'était paradoxalement déjà sous la Révolution. Bien sûr, c'est pas du tout nouveau. C'est-à-dire que les frontières entre les hommes et les femmes, elles se construisent historiquement. Elles sont pas du tout invariables. Elles sont pas liées à une nature prétendument féminine ou à une nature prétendument masculine. Pendant la Révolution, le grand discours de beaucoup d'hommes, c'est on a peur que la France décline parce que la France se dévirilise en quelque sorte. Et devient acquise aux femmes, et devient, la main du pouvoir des femmes. Bon, ce qui était évidemment largement une vue de l'esprit, simplement que la Révolution a permis une sorte de nouvelle donne pour les femmes, elle leur a permis de s'exprimer, dans une certaine mesure, ceci dit. Alors, il y a un personnage dont on parle énormément en ce moment, puisqu'elle est, si j'ose dire, et malgré elle, candidate au Panthéon, c'est bien sûr Olympe de Gouges. La fameuse Olympe de Gouges, oui, qui a écrit la fameuse Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. C'est quand même assez étonnant, ça, entre nous. Oui, c'est étonnant. D'ailleurs, elle a su porter tout un tas de revendications qui existaient. D'ailleurs, elle était une sorte de porte-parole. Il y avait beaucoup de femmes moins connues, peut-être un peu moins lettrées, qui avaient aussi conscience des injustices qui les frappaient, elles, les femmes, dans leur famille, dans la vie sociale, quotidienne. Alors, je ne veux pas faire de conclusion philosophique à la petite semaine, mais c'est quand même étonnant de constater que toutes ces femmes, que ce soit Thérouanne de Méricourt, que ce soit Olympe de Gouges, ou d'autres d'ailleurs qu'on n'évoquera pas, ne se sont jamais manifestées par leur extrémisme, si je puis dire. C'est-à-dire que, alors qu'un certain nombre d'hommes de la Révolution sont allés loin, voire trop loin, les femmes ont toujours cette espèce d'humanité qui les retient d'aller trop loin. C'est intéressant. Alors, pour certaines femmes, oui. Celles dont on a parlé. Vous allez me dire pas toutes. Mais d'autres, et non, parce que des femmes sans culottes, il y en a eu beaucoup. Ah oui, des tricoteuses. Simplement, on les a pas retenues comme des grands noms dans l'histoire. C'est d'ailleurs l'intérêt, de beaucoup de travaux d'historiens qui ont montré que, par exemple, Claire Lacombe, des Pauline Léon, qui naviguaient autour du club des Cordeliers, puis qui ont fondé leur club des Républicaines Révolutionnaires autour de 1793-94, elles ont joué un rôle fondamental dans la radicalité politique, appelant la Convention nationale à voter des mesures de plus en plus sociales, appelant l'aide aux pauvres, appelant aussi aux droits des femmes. Donc, non, elles ont joué un grand rôle radical aussi pendant la Révolution. Alors, dans l'autre camp, il y a quelques femmes, évidemment la reine Marie-Antoinette qui joue un rôle tout à fait central, et puis un personnage qui va devenir une sorte d'emblème de la contre-révolution, c'est Charlotte Corday. Eh oui, Charlotte Corday qui assassine Marat le 31 juillet 1793, qui l'assassine pour des raisons politiques. Elle le voyait vraiment comme l'incarnation de ce qu'on a appelé plus tard la terreur, c'est-à-dire d'une dictature sanguinaire, etc., largement construite hein, par les contre-révolutionnaires, même si elle a existé effectivement. Et donc pour des raisons politiques, elle était proche des Girondins, et en même temps, elle a justifié son acte comme une attaque contre les hommes, hein, en disant, voilà, finalement, si les hommes sont pas capables de tuer Marat, ben moi je vais le faire pour eux. Évidemment, vous imaginez, une femme qui, avec un couteau, arrive comme ça, qui tue un homme qui prend un bain, y a pas besoin d'attendre Freud pour imaginer la manière dont ça a été interprété, c'est-à-dire qu'une sorte de viol, hein, de menace qui s'exerçait contre les hommes. Une forme de presque de prise de pouvoir, d'une certaine exactement, façon. Exactement, exactement. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'elle était l'arrière-petite-nièce de Pierre Corneille, cette Charlotte Corday, oui. Et qu'elle avait, elle aussi, bien que du camp adverse, cette dimension quasi antique. Il y a quelque chose de l'héroïne romaine antique, tragique dans ces personnages. Il faut dire qu'on est dans cette époque révolutionnaire qui est néoclassique, c'est exactement, ce que je disais tout à l'heure. Que tout le monde lit plus tard, ouais, tout le monde essaye de s'inspirer de la vie des grands hommes. Après, donc évidemment, ces idées-là, elles ont une importance, hein, mais c'est aussi au contact des événements, des injustices que les gens décident de passer à l'action ou pas. Et c'est vrai qu'elle s'invente un petit peu comme une héroïne hein, qui va faire changer le cours de l'histoire. Alors après toutes ces femmes célèbres, nous allons passer maintenant, si vous le voulez, à la femme anonyme de la Révolution. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Le générique, un extrait du générique d'une femme dans la Révolution, une fiction qui va être diffusée samedi et dimanche sur France 3 en prime time. Et dont nous allons avoir le producteur en ligne là dans un instant. Effectivement, Jean Nincheric. Vous êtes avec Guillaume Mazot pour parler des femmes et de la Révolution. Guillaume Mazot qui est maître de conférence à l'Institut d'Histoire de la Révolution Française, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Alors Guillaume Mazot, il faut revenir évidemment sur le rôle essentiel qu'ont eu les femmes sur un plan, j'ai envie de dire, très quotidien dans cette Révolution. Elles étaient bien entendu chargées de l'alimentation des familles, et ce sont elles qui sont, si je puis dire, aux premières lignes pour souffrir du manque de pain et pour se poser la question de la pénurie. Et bien sûr. Donc elles vendent le pain, elles s'occupent de l'alimentation à Paris, notamment c'est ce qu'on appelait les dames de la halle, qui était une vraie corporation, c'est un corps de métier qui était reconnu comme tel. Ce sont elles qui vont sur les marchés, ce sont elles qui vont chercher le pain, qui font la queue dans les boulangeries, etc. Et or, à cette époque-là, le pain, c'est politique. C'est-à-dire que c'est non seulement manger ou pas manger, manger à sa faim, et c'est important quand même dans une période où on ne mangeait pas toujours à sa faim, mais c'est aussi avoir sa petite idée de la manière dont les prix du pain augmentent ou baissent, et souvent on accuse les spéculateurs, ceux qui profitent un petit peu des pénuries pour retenir le grain et puis ensuite le mettre sur le marché pour le faire augmenter. Et donc c'est politique. En 1775, par exemple, il y a eu des grandes manifestations, ce qu'on appelait la guerre des farines, dans lesquelles les femmes avaient joué un grand rôle. Et au début de la Révolution, la première grande journée, selon moi, hein, de la Révolution, c'est pas tellement la prise de la Bastille. C'est pas le 14 juillet. Eh non, alors Michelet dit les hommes ont pris la Bastille, les femmes ont pris le roi. Et c'est vrai. Il faudrait réhabiliter ces journées du 5 et 6 octobre, même si elles se sont terminées dans la violence, puisqu'il y a eu deux gardes qui se sont fait décapiter. Mais malgré tout, des huttes et nobles coups. Voilà. Et malgré tout, c'est à mon sens, c'est le vrai tournant. D'abord parce que c'est les femmes qui là émergent dans l'histoire en tant qu'actrices politiques. Donc elles organisent une manifestation de Paris à Versailles. C'est un chemin de manifestation assez connue hein, sous l'Ancien Régime, 4-5 heures de marche. Hein, pas trop loin de Paris. Oui, d'une certaine manière, et c'est surtout parce que c'était là qu'était le roi, évidemment, et puis l'Assemblée. Surtout l'Assemblée, voilà, d'ailleurs, pour ce qui est du 5 octobre. Hein, voilà. Ouais. Dans un contexte où les prix du pain augmentent, on s'inquiète beaucoup, et les marchés, qui étaient un lieu politique, un peu comme les souks aujourd'hui dans les pays d'Afrique du Nord, on discute beaucoup et on décide d'organiser une manifestation. Les femmes occupent l'Assemblée. Et elles vont trouver le roi. Elles forcent le roi à apparaître à son balcon. Versailles, les appartements royaux sont même envahis. Hein. Et elles arrivent à faire finalement plier le roi qui décide d'intervenir pour faire baisser les prix du pain, pour faciliter la circulation des grains. Et puis, elles arrivent aussi à faire que le roi accepte de signer enfin les premiers articles de la Déclaration des droits de l'homme qui venait d'être votée et écrite par les députés quelques semaines auparavant. Donc les conséquences, elles sont incroyables de cette journée. Le nôtre faisait remarquer que les dernières femmes présentées au roi à la cour de Versailles ont été finalement quatre femmes de la Halle de Paris. C'est assez, c'est un paradoxe. Et pourtant, on n'a pas retenu leur nom. Mais non. Hein, on parle du soldat inconnu. La petite Nicole, je crois, il y en a eu. Voilà, parce que c'est celle qui s'est évanouie. Donc. Alors, il y a celle-là, il y a Louison Cabri, il y a René Audu, qui était la reine des Halles, comme on l'appelait. On pourrait faire une sorte de tombe de la femme inconnue, ce qui est un pléonasme sous la Révolution. On n'a pas retenu leur nom. La Révolution a totalement modifié la tenue vestimentaire des hommes. On enlève la perruque, on change la culotte qui devient donc de plus en plus longue, en fait, etc. Qu'en est-il des femmes? On n'a pas l'impression vraiment que la mode féminine ait changé avec la Révolution. C'est peut-être une impression. C'est une impression. Parce que pour les femmes, c'est pareil. Se vêtir, c'est sous la Révolution aussi exprimer des messages politique. Hein. Alors, par exemple, pour les vêtements féminins, moi, je pense aussi à l'aristocratie ou l'ancienne aristocratie, la bourgeoisie. On met des vêtements de plus en plus légers. On a envie plus de montrer la nature de son corps, etc. Donc, puisque l'artifice était lié finalement aux anciens vices de l'aristocratie, à la corruption, qui était de moins en moins bien vue. Donc, il existe aussi, d'ailleurs, chez les femmes du peuple, des vêtements sans culottes, qui passent d'ailleurs forcément par l'adoption de rubans de couleur, qui se forgent petit à petit au cours des premières journées révolutionnaires et qui deviennent bleu, blanc, rouge très rapidement. C'est les couleurs de la nation qui se mettent sur les vêtements et c'est en grande partie les femmes qui les ont définies. Alors, est-ce que ces femmes sans culottes vont être montrées à la télévision demain soir et dimanche? J'ai très envie de poser la question à Jean Nincheric. Bonjour Jean. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes le producteur de cette fiction, Une femme dans la Révolution. Deux épisodes, donc, grande production, hein, demain soir et dimanche soir sur France 3, à 20h45. Vous avez attaché un soin particulier au décor, au costume, à l'ambiance révolutionnaire. Bah, écoutez, oui, c'était un peu la moindre des choses. À partir du moment où on s'attaque à une page de l'histoire, la peut-être la plus importante de l'histoire de France, qui a vraiment changé le monde aussi, il fallait qu'on soit crédible, en tout cas à ce niveau-là. Et c'est vrai que on a fait très très très attention à tout ça, ce qui est absolument normal. Alors le personnage principal s'appelle comme notre Madame Roland, je l'ai fait un peu exprès pour tout vous dire, elle s'appelle Manon, mais alors le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'a pas du tout le même parcours. Elle vient, elle, du très petit peuple, elle débarque de sa Vendée natale. Alors elle débarque de sa Vendée natale, elle s'échappe, disons, de sa Vendée natale parce qu'elle était aux mains d'un seigneur un peu assez cruel et elle arrive à Paris où elle va loger chez Samson, le bourreau qui louait des chambres, et elle va travailler dans un restaurant, enfin ce qu'on appelait un café français à l'époque, et puis elle va devenir modèle du peintre David, qui était aussi député. Et elle va rencontrer tous les personnages importants de la Révolution. Alors évidemment, on peut dire que 4 heures pour traiter toute la Révolution française, c'est un tour de force. C'est intelligent de l'avoir fait par le prisme, justement, par le biais de ce personnage, et d'avoir choisi une femme, bien entendu. Ça n'est pas du tout, j'imagine que ça n'est pas un hasard. C'est tout le travail d'Olivier Dutailly, ça, qui est par ailleurs l'auteur du roman, hein, La pensionnaire du bourreau. Oui, mais qu'il a écrit après. Ah d'accord. C'est absolument pas une adaptation. Ce qu'on appelle une novélisation en fait. Hein. C'est une novélisation de la mini-série. Enfin une mini-série qui fait quand même 4 heures, mais en plus c'est une vraie gageure parce qu'en 4 heures raconter la Révolution française, c'est pas évident. Et bien je crois que on a réussi et c'était important de raconter l'histoire à travers un personnage romanesque qui est celui du parcours d'une femme. Car, comme vous l'avez dit, parce que je vous ai écouté parler de la position des femmes pendant la Révolution, je crois qu'elles étaient très actives, elles ont fait beaucoup de choses, et en même temps, elles n'ont pas été récompensées, c'est-à-dire qu'elles ont été un petit peu les laissées pour compte de la Révolution. Oui, on ne peut pas dire que l'avancée des droits ait été considérable pour ce qui les concerne. Non, pour ce qui les concerne, non. C'était valable pour les hommes, mais en tout cas pas pour les femmes. Et puis... on l'a vu avec, vous en avez parlé, de l'âme de Gouges et Charlotte Corday. Il faut savoir quand même que pendant la Révolution, quand des femmes, elles étaient suspectes, quand on leur interdisait de se réunir à plus de 5 dans la rue, sinon elles pouvaient être arrêtées. Voilà, donc les hommes aussi en même temps. Il y a deux épisodes très distincts. Alors le moins qu'on puisse dire est que le premier est farouchement révolutionnaire. Ça s'appelle Le peuple entre en scène. Et puis vous manifestez un certain nombre de réserves dans la deuxième partie qui s'appelle Le bruit et la fureur. Mais oui, parce que la première partie, c'est toutes les grandes lois, c'est tout ce qui était humaniste, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout ce qui est arrivé. Puis après, il y a eu un renversement, c'est-à-dire que les héros de la Révolution, comme Danton, comme Camille Desmoulins, ont été guillotinés. Robespierre, à son tour, a subi le même sort. Enfin bon. Et on le voit à travers le personnage de Manon qui est joué par Gaël Bonnat et son compagnon c'est Cyril Descours hein, qui joue Cyril Benjamin. Cyril Descours qui joue Benjamin et puis il y a aussi Alex Lutz qui fait fabuleux en Robespierre, oui. Qui est formidable, Grégory Gadebois qui fait Danton, Thierry Ancis Sanson, mm-hmm. Julien Tortora Gabriel. Voilà, et donc on a un éventail de comédiens absolument extraordinaires. Moi, j'ai été ravi de voir comment ils sont investis dans ce projet, parce que vraiment c'était formidable. Mais c'est vrai que la deuxième partie est assez violente et le parcours de Manon est intéressant parce que elle est très robespierriste, si on peut dire ça, dans la première partie, et elle va dans la deuxième partie complètement déchantée par rapport à Robespierre. Merci beaucoup Jean Inchric. Une femme dans la Révolution, c'est donc demain samedi et dimanche soir, les deux soirées qui se suivent, à 20h45 sur France 3. C'est vrai que les femmes, finalement, ont un peu été les laissées pour compte de cette Révolution, Guillaume Mazou. Alors à la fois, elles y ont gagné, parce que c'est quand même la loi sur le divorce, en 1792. Avant, une femme passait de l'autorité de son père à celui de son mari. Pour la première fois, elles peuvent divorcer par consentement mutuel, par mésentente. Il y a une forme d'émancipation politique. Ah oui, et en 93, oui, émancipation politique par émancipation par rapport à la famille. Ça a commencé comme ça. Et c'est vrai que par contre, après, ça va se resserrer. C'est-à-dire qu'une grande partie des troubles et des maux de la Révolution sont attribués aux femmes. Fin octobre 93, on ferme les clubs féminins, on les empêche de se réunir politiquement, puis surtout sous le directoire, où là, on essaye de reconstruire, de terminer la Révolution en reconstruisant une société sous l'autorité des mâles, hein, sous l'autorité des maris. C'est le bon mari. Hein. Un bon citoyen est un bon mari, et une femme convenable devient une bonne mère de famille, une bonne épouse. En 1804, le Code civil replace la femme là où elle doit être selon les hommes politiques. Et en 1816, le divorce est supprimé. Merci beaucoup Guillaume Mazot. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, mais vous participez notamment avec Pierre Cernat à un ouvrage collectif, Pourquoi faire la Révolution? C'est aux éditions Agone, c'était l'année dernière. Vous avez été, comme d'habitude, très clair et on a l'impression d'avoir été avec toutes ces femmes sur la route de Versailles le 5 octobre 1789. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez, Franck Ferrand, cet après-midi à la question de Paul qui nous l'a envoyé par mail hein, sur le site d'Europe 1. Pouvez-vous nous raconter l'histoire du Père Noël, oui, Franck? Oui, alors ça s'invente pas, ça, quand même, vous avouerez. J'espère que les parents qu'on a prévenus hein, depuis maintenant 5 ou 6 minutes ont eu le temps de changer de station, pour ceux que ça dérangerait, évidemment. Donc, le Père Noël, je vais pas vous raconter ce qu'on avait dit avec Jean-Pierre Guénaud l'année dernière, sur Saint-Nicolas, sur Jules Ennis, qui était cette espèce de petit lutin des pays scandinaves qui apportait des cadeaux aux enfants le soir de Noël. Le Père Noël, il naît essentiellement aux États-Unis, il faut bien le dire, en tout cas sous sa forme moderne. C'est Thomas Nast, qui est un dessinateur au Harper's Illustrated Weekly, un grand journal new-yorkais, qui va présenter ce Santa Claus dans un costume vert à fourrure blanche. Et puis, vous le savez, en 1931, et c'est là qu'on voit qu'on est quand même... les États-Unis avaient 50 ans d'avance sur nous, sur le côté société de consommation. Ils décident de changer la couleur de la tenue du Père Noël, parce que ça met le Père Noël aux couleurs de Coca-Cola, tout simplement. En 1931, la firme demande à Adon Sunblum de représenter le personnage en train de boire une bouteille de Coca-Cola. Donc là, évidemment, il va falloir attendre. On parle déjà du Père Noël dans les années 20 et 30 en France, pas mal. Mais il faut attendre l'après-Seconde Guerre mondiale pour que le personnage soit vraiment adopté par les familles françaises. Et encore, comme je vous le disais hier, pas tout à fait par toutes les familles, puisque dans les familles traditionnelles et catholiques, pendant très longtemps, le Père Noël, c'était quand même un peu l'antéchrist. Bon, maintenant, il entre partout, qu'il y ait ou non des cheminées. Bonjour Elena Mornin. Bonjour Franck, bonjour à tous et j'espère qu'il vous gâtera le Père Noël. Alors la mission des experts Europe 1 aujourd'hui, dépenser moins d'énergie à la maison et faire des économies. Alors attention, jusqu'à 200 euros par an et par personne. Vous verrez que c'est pas compliqué. Vous voulez en savoir plus, vos questions au 3921 ou sur europe1.fr Franck. Merci beaucoup Elena. Alors à partir de lundi, ce sont des rediffusions des meilleures émissions de la saison que vous allez pouvoir entendre. Nous nous retrouverons donc aussitôt après le premier de l'an. D'ici là, je souhaite en tout cas à mon équipe une très bon moment, une belle trêve des confiseurs. Grand merci à Lorena Martin, à Marion Sauveur, à Mathilde Saletchou, qui est la nouvelle venue dans l'équipe, Nicolas Six, bien entendu, et puis cette semaine, Guillaume Vassot et Rémi Duprat. Et puis vous, bien sûr, chère Céline, qui êtes notre petite révolutionnaire préférée. Europe 1, 14h, 15h. Au cœur de l'histoire.